pété, genre, puis comme une espèce de grosse bulle de sang rouge dans. Ben, rouge, vraiment, c'est du sang. Ah bon, ça s'appelle vite. Thank you.